Salut, c'est Théo Pourchair et bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Salut à tous, et comme Théo vient de vous le dire, eh bien on a notre premier invité dans l'émission Auto Hebdo. Théo Pourchair, bienvenue. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Voilà, merci d'avoir été le premier à accepter de nous rejoindre pour cette émission. On a également Valentin Glot et Mathieu Chambenois qui sont là. Comment ça va, messieurs? Bah, ça va très bien, ravi d'avoir Théo avec nous. Très bien, ouais, tout à fait, plaisir partagé, évidemment très content de t'avoir. Et donc là, on va passer, ben voilà, en 45 minutes, une heure ensemble, Théo, pour revenir sur ton actualité, évidemment. On va parler de Peugeot, on va parler de tout ce qui se passe au niveau du championnat du monde d'endurance, et aussi un petit peu sur ta carrière. Et tu vois devant toi, d'ailleurs, tu as quelques petites cartes indiquées Auto Hebdo, et ça va être en fait des points de passage un peu de ta carrière, et on va s'en servir justement pour remonter un petit peu le temps. Et je te propose de prendre la première carte, justement. Allez, c'est parti. On va voir ça. Il y a un stress quand même, on le sent. Hein, c'est un bon moment. Alors, le nouveau monde de Théo Pourchair. Ça, c'est beau. C'est une belle photo, d'ailleurs. C'est une belle photo. Je me rappelle, c'était avec Valentin. Oui, exactement, exactement. Un sujet qu'on a fait ensemble pour le guide des 24 heures du Mans. Exactement. Et pour Auto Hebdo. Ouais, non, c'est un bon souvenir parce que c'est 2024 pour moi. Donc, c'est quand j'ai fait mes premiers tests, les rookie tests avec Peugeot. Mm-hmm. Cet article a été fait cette année, en 2025, juste avant Le Mans. Mais. Le nouveau monde de Théo Pourchair, je le vois un peu voilà, comme ma vraie première opportunité. Peugeot qui me fait confiance de faire les rookie tests et de me prendre en pilote de test pour la saison 2025. Donc, c'est beau de voir ça. Je suis content et j'espère que c'est le début d'une très longue expérience, une très longue opportunité avec eux. Et depuis, Théo, tu as donc fait tes débuts en tant que pilote de course aussi. C'était à Bahreïn il y a quelques semaines maintenant. Comment ça s'est passé, cette première en hypercar, cette première avec l'équipe Peugeot en tant que pilote titulaire? Ça s'est très bien passé. Et honnêtement, mieux que ce que je pensais, parce qu'on a toujours un peu... j'appréhendais un peu le fait de découvrir une nouvelle équipe en situation de course, des nouveaux coéquipiers, peut-être de ne pas savoir gérer quelques situations, mais... Au final, tout s'est très bien passé de mon côté. On a même été, malheureusement, je pense qu'on pouvait faire un meilleur résultat, mais vraiment, on n'a pas eu de chance avec la stratégie pour le coup. Mais on était dans le top 5 tout le long de la course. Maltel avait fait une très bonne qualif en mettant la voiture 3e. J'étais bien remonté dans la course. Loïc avait fait un très bon départ aussi. T'as mené tes premiers tours aussi. Hein, ouais, j'ai mené des tours apparemment. C'est ça, j'ai vu ça quand je suis sorti de la voiture. J'ai ouvert les réseaux sociaux. J'ai vu, j'étais en tête à un moment. Mais moi, j'étais à ce moment-là seul en piste. Je me disais... Je vois pas de GT, je vois pas d'hypercar. La voiture était. J'en avais pas conscience à ce moment-là. Et j'en avais pas du tout conscience. Okay. Et l'ingénieur me l'avait pas dit. En fait, je pense que à chaque fois je lui demandais, est-ce que le rythme est bon ou tu vois, je t'entendais pas parler. Il me disait, ah, c'est très bien, continue comme ça. J'ai bon, bah tant mieux et ça va. Et je me sentais à l'aise dans la voiture. Mais honnêtement, une super première expérience. J'ai adoré rouler en championnat du monde d'endurance. Je savais que ça allait me plaire. Et encore, bon, c'est les 8 heures de Bahreïn. C'était la dernière course de l'année. Pense déjà, tu vois, à des courses comme Spa, Le Mans, bien sûr, qui est, j'y pense quasiment tous les jours. On sait que c'est un peu notre moment de l'année, donc j'ai hâte de faire ces courses. Et c'était top. Justement, Peugeot sort d'une très belle deuxième partie de saison avec des podiums à Austin et à Fuji. Toi, quelles sont tes attentes et tes objectifs avec l'équipe pour l'année prochaine et pour ce qui sera ta première saison entière en WEC? Ouais, je pense que mes attentes, pour moi, elles sont de, bien sûr, aider l'équipe à faire du mieux possible en tant que, maintenant, pilote professionnel, représenter une marque. Je pense que c'est important d'être sérieux, de ne pas faire d'erreurs, d'être le plus performant possible. Je me dois de donner mon maximum pour eux. Après, les objectifs, ils sont clairs. C'est de faire encore un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait cette année. Et chaque année, c'est de mieux en mieux. Donc, et c'est proche de la première victoire. Donc, j'aimerais bien faire partie de cette première victoire, s'il y en a une, bien sûr, mais... Croise les doigts, c'est l'objectif. De faire du mieux possible. Le championnat du monde d'endurance, je pense que tout le monde l'a vu, c'est super serré, que ce soit en qualification ou en course. Il y a tellement de rebondissements que même avec la balance de performance qui resserre encore plus les voitures au final, et on n'a quasiment pas d'écart, on se retrouve avec un plateau mélangé à chaque course. Il y a des opportunités. Alors forcément, tu parlais du Mans comme un objectif. Tu l'as découvert, cette épreuve des 24 heures du Mans cette année. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu pour ta première finalement sur le circuit un peu mythique, hein? Pas mythique, enfin très mythique. Ouais, carrément. C'est vrai que franchement, le Mans, c'était un truc de fou. J'avais pas mal de stress avant ma première participation au Mans parce que c'est un circuit qui m'a été décrit comme quand même très dur par beaucoup de pilotes avec qui j'ai pu parler. est assez, assez bah, piégeur, en fait. Où on pense que parfois, bon, il y a des virages assez simples, enfin qui semblent assez simples de l'extérieur, mais en fait, c'est quand même une partie avec beaucoup de routes au Mans. La météo qui peut être capricieuse à certains moments. Il y a des arbres, il peut y avoir des feuilles sur la piste. Enfin, c'est un peu, c'est quand même compliqué. Et là, c'est pour ça que je me dis que c'est une épreuve mythique après l'avoir fait et hyper compliqué à gagner, notamment en hypercar. Je pense que ça sera d'autant mieux, hein. L'expérience sera encore mieux qu'en LMP2, c'est sûr, parce que représenter une écurie française, une marque française en tant que pilote français au Mans, je pense que ça va être top. Mais c'était un défi mental, c'était un défi physique, et j'ai hâte d'y être. Honnêtement, L'avoir fait en LMP2, ça te rajoute encore de l'envie de le découvrir en hypercar, ça te permet aussi de te dire, je l'ai fait une fois, je ne vais pas arriver en découvrant tout, parce que c'est effectivement très intense sur une semaine, c'est un avantage pour toi ? Ouais, franchement, c'est un avantage, parce que je sais à quoi m'attendre, ça c'est une certitude, même si ce n'est pas la même catégorie, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. La seule chose que je n'ai pas fait au Mans, c'est de rouler quand il pleuvait, quoi, vraiment, et on n'a pas eu de pluie, je pense que c'est assez inédit d'ailleurs, on avait une bonne météo, il faisait chaud, mais on n'a pas eu de pluie, donc si jamais il se met à pleuvoir, on ne sait pas, parce que le Mans, c'est vrai que ça peut arriver dans la course, on peut avoir peut-être toutes les saisons en 24 heures, donc c'est ça qui est assez fou. Mais non, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, et c'est une des seules courses où après la ligne d'arrivée, j'ai vraiment senti de l'émotion, parce que mentalement, c'est dur. Mentalement, c'est une épreuve, physiquement, pour tout le monde, pour toute l'équipe. Et on est passé en plus par des choses où mon coéquipier, cette année en LMP2, s'était mis dans le mur au bout de 2 heures de course. On a pu continuer quand même. Et puis ensuite, dans la nuit, on a eu un problème au pit stop à cause du premier accident. La voiture, on a dû réparer, on ne pouvait pas changer les roues, elle était tombée sur le sol. Donc, c'était beaucoup de galères, mais on est allé au bout. On a fait les 24 heures du Mans, ce qui était important pour moi de faire cette course en entier pour arriver prêt l'an prochain. Mais ouais, c'est vrai que l'émotion après la ligne d'arrivée, elle était forte. Tu vois tout le monde, tout le public acclamer les pilotes, voir les vainqueurs passer, et tu te dis que t'aimerais être à leur place à ce moment-là. Mais non, c'est beau. C'est beau. Tu disais que pour te préparer pour l'an prochain, tu le savais déjà à ce moment-là que tu faisais l'hypercar l'année d'après ou... Je le savais pas, mais dans ma tête, c'était un objectif clair. Donc en fait, c'est. Pensée positive, histoire de. Exactement, exactement. Mais après, ça, je pense que c'est la plupart des pilotes qui essayent. Bon, on a tous des objectifs clairs dans nos têtes et on fait tout pour y arriver. Donc moi, c'était, il y avait rien de fait avec Peugeot, c'est vrai, à ce moment-là. Mais non, c'était clair dans ma tête, je voulais absolument y être en hypercar. Pour ta première année en endurance, tu as roulé dans deux catégories différentes, donc en hypercar avec Peugeot à Bahreïn, mais aussi en LMP2 au Mans avec Algarve et toute la saison de LMS. Quelles sont les différences pour toi entre ces deux voitures que tu as découvertes cette année ? Pour moi, la différence principale, je dirais, c'est le fait que déjà, enfin, chaque voiture soit unique en hypercar. Donc, c'est beaucoup plus complexe techniquement. Il y a beaucoup plus de recherche au niveau des réglages de la voiture. C'est des voitures complexes en termes de aussi de système hybride. Enfin, la LMP2, ça reste plus proche d'une Formule 3 où on a un moteur, châssis carbone, il y a beaucoup d'aéro et ça va vite, mais c'est simple, on va dire, ça reste simple du côté technique. Après, le manuel d'une hypercar, je crois que c'est 70 pages, je crois, c'est ça, non ? C'est long. Ouais, c'est ça. Me le rappelez pas, c'est trop long. Non, mais c'est vrai que j'étais au simulateur hier, et oui, après, quand on le connaît par cœur, en fait, j'ai tellement fait de simulateurs, c'est à ça que ça sert aussi, et quelques journées d'essai, je suis arrivé à Bahreïn, j'étais pas perdu, en fait, mais... c'est important de tout savoir, d'être pro, parce que c'est des voitures assez complexes. Mais j'ai adoré ce championnat parce que je me rappelle encore, j'ai des souvenirs, tu vois, de la Roland Safety Car de Bahreïn où j'ai la Ferrari devant moi. Je crois que j'ai une Aston Martin derrière moi. C'est fou. Et chacun a un moteur différent, un style de voiture différent. Et me battre avec les autres, avec la Peugeot, c'est beau. C'est ça que j'adore en fait en hypercar. Donc c'est un championnat que j'ai hâte de découvrir sur l'entièreté. Faire surtout les 24 heures du Mans, mais tout le championnat du WEC avec des circuits que je vais découvrir comme Sao Paulo ou Fuji. J'ai jamais roulé, donc non, j'ai hâte. Tu parlais de la complexité justement d'une hypercar. C'est hyper intéressant parce que toi, tu as un parcours vachement varié où tu as notamment testé une Formule 1. La différence, elle est à mon avis majeure dans plein de cas de figure. Mais qu'est-ce que tu notes comme différence entre une monoplace, une Formule 1 justement qui est très pointue, mais où notamment tu as accès à tes pneus, tu vois vraiment la piste différemment. C'est quoi les différences majeures hein? Ouais, c'est vrai que ça m'avait pas mal. Choqué entre guillemets de monter dans une proto au début et d'être enfermé dans le cockpit, de pas voir les roues et c'est une autre façon de s'adapter aussi parce que on n'a pas d'air qui vient dans le cockpit. Et comme j'ai dit, rien que de ne pas voir les roues, moi, j'ai jamais été habitué à ça. Je voyais toujours les roues, même dans le détail, hein, quand ça commence à bloquer en monoplace, ou tu vois que le pneu commence à changer de couleur, et là, tu sais où t'en es avec ta voiture. C'est différent, les protos. Bah, alors, par contre, on a des petites LED à l'intérieur qui nous indiquent. C'est beaucoup plus... C'est dur de parler et de dire ça en quelques mots, mais c'est différent. C'est juste différent. C'est une autre façon de voir la course, de faire la course. Et il faut s'adapter. C'est ça que j'aime bien aussi en tant que pilote, c'est m'adapter à de nouvelles choses. Bien sûr, c'est un nouveau défi en quelque sorte. C'est un nouveau défi, clairement un nouveau défi. Ouais, quand tu dis les diodes, c'est des diodes qui te disent quand tu bloques, hein, et qui te disent aussi quand régénérer et relâcher plus tôt. C'est vraiment des aides. C'est ça. Pour que le pilote comprenne mieux comment... Exactement, on a ça aussi pour le contrôle de traction. En fait, il y a beaucoup plus de choses qui sont autorisées aussi en championnat du monde d'endurance ou European Le Mans Series qu'en IndyCar ou Formule 2 ou Formule 1. Et donc, du coup, les équipes exploitent un maximum le règlement et ça, on y a le droit. Après, c'est aussi des voitures qui sont complètement différentes, qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, si on n'avait pas de contrôle de traction avec plus de 700 chevaux sur une hypercar... Vous voyez parfois même avec des aides sorties des stands pneus froids, ça tape facilement, donc c'est normal. Justement, tu parlais de ne pas avoir les roues. Je pense que Mick Schumacher me disait exactement la même chose. C'est vraiment complexe quand on vient de la monoplace de passer à des roues couvertes. Ouais, c'est complexe. Surtout aussi, pour le gabarit de la voiture, c'est assez différent. Parce que quand on est dans une monoplace, de bien voir ses roues, on sait vraiment où les positionner sur la piste. Quand on est dans une hypercar qui est massive quand même, c'est des grosses voitures... On ne sait pas vraiment où on en est. C'est-à-dire, quand on va chercher la limite, poser les roues sur une ligne blanche et on a de l'herbe mouillée juste à côté, si on y va un petit peu trop, ça peut être la catastrophe. C'est une habitude à prendre. Et aussi sur les vibreurs, c'est des voitures qui prennent beaucoup plus les vibreurs. Mais bon, savoir où on en est exactement, c'est nouveau pour moi. Et puis t'es à gauche aussi, c'est bête. Enfin, c'est bête à dire, mais en monoplace, t'es au centre de la voiture, là, tu te retrouves un peu déporté. Exactement. Ouais, c'est un petit détail, mais c'est important quand même. Que ce soit par exemple pour les arrêts au stand, pour bien se positionner. Parfois, c'est très serré, une voie des stands en endurance. On peut avoir des équipes de LMP2 au Mans ou même GT qui sont proches, qui sont déjà dans la voie des stands. En général, on se décale pour pas boxer en même temps, mais. Au niveau visibilité, c'est vraiment compliqué, quoi. Et on a des mécaniciens, on a le mécanicien qui vient remettre l'essence qui est vraiment proche, donc on n'a pas envie de le toucher. Faut pas prendre de pénalité pour dépasser son petit box, donc non, c'est différent. Pour revenir au moment, vu que tu étais en LMP2 chez Algarve, est-ce que tu as eu des petits moments de stress quand tu voyais les Peugeot arriver derrière toi, dire absolument pas que je fasse de bêtises? Quand je les voyais, c'est sûr que je les bloquais pas du tout. Je dis pas que je bloquais les autres, mais il y en a dans les sports, j'ai un peu plus ralenti. Donc tu étais plus prudent. J'étais prudent. Mais après, les hypercars, c'est vrai que ça a défilé en ligne droite. Ouais, Peugeot comptait pas non plus sur une troisième voiture complètement, mais au moins il savait que. Voilà. J'étais là, j'essayais. C'était pratique. Je vais te proposer de prendre la deuxième carte, Théo. Là, on a parlé effectivement de ce qui se passe pour toi maintenant et de l'avenir, bien sûr. Et on va un petit peu remonter le temps maintenant, si tu veux bien. C'est parti. Ah, champion de F4 allemande. Ouais. Ça, c'était 2019. Tellement soulagé, j'avais dit. Ouais. Non, je m'en rappelle très bien de ce moment-là, quand j'ai gagné la F4 allemande sur le circuit du Sachsenring, il me semble que c'était. C'est un bon souvenir parce que c'est mon premier titre au général, on va dire. J'ai été champion junior de F4 française, mais j'avais fait troisième du championnat. Là, j'ai fait champion général et c'était un championnat très relevé. J'étais jeune, j'avais... Ouais, 16 ans, 16 ans dans l'année. Quoi. Ouais, tu venais d'avoir 16 ans au moment où tu es champion. C'est ça, je venais d'avoir 16 ans, donc assez jeune, j'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup de circuits, en plus en Allemagne, qui sont très différents, il y avait beaucoup de circuits de Formule 1, on a fait le Red Bull Ring, Hockenheim, Nürburgring, et d'autres circuits comme Sachsenring, Oschersleben, qui sont des circuits très serrés, très techniques, où la moindre erreur, et on peut vraiment sortir fort, donc c'est un très bon souvenir. Alors du coup, tu succèdes en 2019 avec cette année de F4 allemande et ce titre à ton année donc en F4 France. Tu avais démarré à 15 ans seulement à 14 ans d'ailleurs dans ce championnat. Comment est-ce que tu as rejoint après tes années de karting, où tu as d'ailleurs fini notamment troisième au championnat du monde, donc tu as quand même eu une belle carrière en karting. Comment est-ce qu'on se fait repérer pour arriver ensuite donc à la FFSA Academy et démarrer vraiment ce parcours en monoplace? C'est vrai que moi, j'ai commencé très très jeune. C'est aussi, c'était une volonté pour parce que je me sentais prêt aussi, enfin, mon père, ma famille sentaient que c'est aussi le bon moment pour moi d'aller en Formule 4, en monoplace. Mm-hmm. Mais aussi financièrement, c'était voulu, parce que le karting coûte très cher. Et plus on fait des années de karting, plus on doit mettre du budget, moins on en a bien sûr pour la monoplace. Donc pour moi, c'était une volonté aussi de la part de ma famille de m'emmener rapidement en Formule 4. Pour avoir cette chance au moins de se montrer, pourquoi pas faire un bon résultat. Ça s'est bien passé et ensuite j'étais dans le ça s'appelait Sauber Junior Team à l'époque, en Formule 4 allemande. Mais oui, j'ai commencé très jeune, ouais, 14 ans, j'étais l'un des plus jeunes au monde, je pense. Justement, tu parles de la F4 allemande et comme quoi ça a été important pour toi de découvrir des circuits comme ça, notamment internationaux. Est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être un déclic, où tu t'es dit là, je peux commencer à entrevoir vraiment plus loin? Ouais, honnêtement, oui, parce que. En arrivant en F4, on se dit, quand on est jeune comme ça, on rêve de F1, ouais. On voit vraiment la pyramide. Et en fait, on se dit, c'est pas si loin que ça. F3, F2, F1, ça peut arriver vite. Ouais. Et en F4 allemande, j'ai le souvenir d'avoir fait une course en même temps que la Formule 1, c'était à Hockenheim en 2019. On était sur le même week-end. Et donc là, ça m'avait vraiment. On avait même visité le paddock Ferrari et Charles Leclerc qui nous avait fait visiter le garage. En fait, c'était sympa. Et j'étais coéquipier, moi, avec Arthur, son frère. Et en fait, le championnat allemand avait sélectionné, il me semble, 4-5 pilotes pour faire un tour du garage Ferrari avec Charles. Et j'étais parmi eux. Et donc, il y avait Arthur, son frère. Et Charles nous avait présenté un peu la voiture, le stand Ferrari. Donc, c'était cool. C'est un bon souvenir. Et là, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose, quoi, de voir tous les pilotes de F1 sur le même week-end que nous, même circuit. Je me dis, c'est pas loin. Ça devient concret, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas loin. Forcément, quand tu passes en F3, tu passes au niveau vraiment international. Est-ce qu'il y a une course, encore une fois, un peu dans le même esprit, où en F3, tu te dis que tu peux passer à la F2 et donc là, tu peux vraiment, à ce moment-là, tu étais déjà suivi en plus dans l'académie, donc oui. Tu peux vraiment passer encore plus le cap et tu peux vraiment t'approcher véritablement du. Moi, oui, c'est vrai que déjà de faire le saut F4, F3, c'était vraiment osé. Et il y en avait qu'un autre pilote qui l'avait fait avec moi, c'était Dennis Hauger qui avait fait vice-champion de F4 allemande aussi. Donc les deux premiers de la F4 allemande étaient passés en F3. Et donc tout le monde, à ce moment-là, je me rappelle beaucoup de gens dans le paddock se disaient que c'était vraiment débile de faire ça, en fait. Parce que Sauter l'Africa. C'est ça. Et parce que la F3, FIA, c'est une voiture qui va quand même beaucoup plus vite, qui est une gestion des pneus qui est plus importante, le DRS qui est nouveau à gérer pour faire la course, c'est quand même une autre façon de faire la course, de doubler ses concurrents, de défendre. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques de me voir monter en F3. Et au final, la première course, ils avaient raison, parce que je n'ai pas marqué de points. Et j'avais fait un mauvais résultat. Mais par contre, le deuxième week-end, c'est là pour moi qui a été un peu la révélation et la grosse prise de confiance aussi pour moi, en me disant, en fait, ce n'est pas si incroyable que ça. Et je suis capable de le faire. Et de me dire que j'en ai les capacités, que ce soit tous ces pilotes qui m'inquiétaient sur le premier week-end de course, où je me disais, je ne sais pas si je suis à leur niveau, Piastri, Sargent, il y en avait d'autres, même Vesti qui était chez Préma, le trio Préma, mes coéquipiers qui étaient rapides et tout. Et puis au final, j'ai gagné dès le deuxième week-end. Donc, tu te dis, ça va, finalement. Je me suis dit, ça va, je suis dans le rythme, je suis tout le monde, je m'en sors bien. Et je manque encore un peu d'expérience, ça ne peut que aller de mieux en mieux parce que je vais apprendre la catégorie. Et à cette victoire de F3, j'ai vu que vraiment, il y avait quelque chose à faire. Tu parles justement d'Oscar Piastri que tu as fréquenté pendant ces années en monoplace, contre qui tu t'es battu, pardon. Ça serait intéressant d'avoir ton avis un peu sur ce qu'on voit actuellement dans la saison de F1. On a l'habitude de voir Oscar Piastri qui a du mal à finir sa saison, on a cette impression-là, que ce soit en F3, en F2 et maintenant en F1. Quel regard tu portes là-dessus, notamment sur la deuxième partie de saison de F1? Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça ressemble à notre année de F3. Quand tu reviens à 3 points, c'est ça? C'est ça. Où j'étais après le premier week-end, Oscar avec gagner la course longue, moi j'avais marqué 0 points, il y avait une trentaine de points d'écart, puis tout au long du championnat, on se bat, il gagne des courses, j'en gagne, et puis surtout sur les 4 dernières courses, les 2 derniers meetings, il y avait 2 courses par week-end, moi je fais 4 podiums de suite, ce qui est assez rare en F3, mais c'est constant, j'étais vite, et lui, en fait, il fait peut-être un bon résultat, un très mauvais, un moyen, un très mauvais, et je reviens qu'à 3 points, et à ce moment-là, c'est vrai que quand on regarde le championnat, s'il y avait peut-être un week-end de plus, je ne sais pas s'il aurait été champion. Je ne dis pas que je l'aurais doublé forcément, mais vu la dynamique, vraiment, elle était vraiment catastrophique à ce moment-là. Il avait vraiment du mal, quoi. Donc, ça ressemble un peu ouais, ce cas-là. Et en F1, j'ai du mal à... Enfin, quand on voit ça à l'extérieur, on se dit, il domine vraiment la plupart de la saison. Mm-hmm. Bah, il domine, il est plus fort que son coéquipier. Il fait beaucoup de pôles, beaucoup de victoires assez dominantes. Et là, d'un coup, il n'y a plus de performance, il n'y a plus rien, c'est dur. Il y a des accidents surtout, des pas ratés. Donc, ce n'est pas juste un manque de performance, c'est un manque total. Quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe chez Oscar. C'est dommage parce que je pense qu'il, sur l'ensemble de la saison, il aurait mérité. Ce n'est pas encore fini, mais ça semble compliqué. Tu penses par exemple qu'il a du mal à gérer la pression d'un possible titre ? Bah, alors, en fait, on pourrait se dire ça. Moi, connaissant un peu Oscar et ayant roulé avec lui, je me dis que c'est quelqu'un quand même qui a très peu, qui montre très peu d'émotions, qui semble très froid en fait. Il a un peu un côté cyborg, un peu. C'est ça. il est assez froid, mais du coup, est-ce que c'est peut-être pour se protéger ? On ne sait pas. En fait, chacun a une façon de vivre les choses et lui, c'est vrai que c'est un pilote globalement qui a très peu d'émotions, qui les montre pas en tout cas. C'est surtout ça. Et donc, bon, là, il montre toujours très peu d'émotions et ça va mal. S'il gagne, il n'en montrera pas trop. Enfin, c'est assez bizarre. C'est dur de voir ce qui se passe chez Oscar. Ce n'est pas comme Max ou comme Lando. Quand ils gagnent une course, bah, on va le voir. Et quand ils font une erreur ou quelque chose s'est mal passé en piste, ils vont vraiment le montrer aussi. Donc, non, c'est différent. Et on parle ici, Théo, effectivement, de ces catégories un peu juniors. Est-ce que toi, tu gardes un œil aussi encore sur les jeunes pilotes qui arrivent en F3, en F2 ? Est-ce que tu as des pilotes comme ça où tu te dis, tiens, lui, il pourrait être un futur grand ou... Ouais, bah, je regarde. Bah, j'ai notamment regardé Macao récemment. Et non, Macao, c'était cool avec Théophile qui a gagné. Ouais. Enzo Delini qui a fait 3e, il me semble, donc c'est bien. Après, j'étais surpris de voir Slater se mettre dans le mur, notamment parce que on l'était tous, je me suis dit non, il se met vraiment. Enfin, moi j'étais comme un fou derrière la course, je me suis dit waouh, parce que je sais que Macao ça se joue toujours à la fin, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais non, c'est cool de voir des Français gagner des courses importantes et j'essaye de suivre. Hein. Toujours là, il y a la F2 qui revient ce week-end au Qatar. Je vais être forcément devant la télé à regarder la F2 parce que ça va être un titre jusqu'au bout qui va jouer, donc c'est cool. Et chez les Français dans les catégories peut-être aussi inférieures, t'as du temps pour regarder un peu, je sais pas, peut-être les jeunes pousses en F4 notamment J'essaye de regarder un petit peu, hein. En tout cas j'essaye de m'informer, bien de sûr. Voir qui sont les noms qui ressortent un peu et moi ça me fait plaisir de voir notamment des Français aussi sortir un peu et gagner des courses, monter en catégorie. Je sais que c'est pas simple, rien que d'arriver déjà à monter F3, F2, c'est vraiment compliqué. Y a beaucoup de pilotes déjà par manque de budget ou par manque d'opportunités qui n'ont pas eu les meilleurs résultats possibles, qui ont du potentiel mais qui se sont peut-être un peu ratés ou quoi et qui partent direct vers d'autres branches. Mais je suis aussi, hein, je les encourage d'ailleurs à aussi regarder ailleurs que la Formule 1 parce qu'il y a beaucoup de catégories qui sont très belles en sport auto et il y a beaucoup d'opportunités ailleurs aussi. Donc, notamment moi là en endurance, mais il y a la Formule 1, il y a aux États-Unis avec l'Indy Next, IndyCar qui est intéressant, même le Japon, il y a pas mal de pilotes qui vont, je pense, passer de la F2 à la Super Formule 1 l'an prochain. Donc, c'est intéressant. Tu vas pouvoir prendre la carte suivante, Théo, vas-y. C'est parti. Je te débarrasse de celle-là encore. Normalement, c'est un bon souvenir. Oui, c'en est un. Alors, Théo Pourchaire, une météorite en principauté. Ouais, 2021, ma victoire à Monaco. Non, celle-là, elle est collector. Elle est collector. Et c'est un très bon souvenir parce que... Bah, je pense, on parlait de ma première victoire en F3 qui m'a fait prendre conscience de mes capacités, entre guillemets, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste mentalement, c'est beaucoup le sport de niveau, c'est très mental. Ça m'a fait prendre confiance. Cette victoire, en fait, après un premier week-end à Bahreïn de F2, mitigé avec quelques points, quand t'es rookie, t'apprends de toute façon, donc tu marques quelques points. Ok, y a beaucoup de dégradation, c'est pas simple, Bahreïn. Monaco, dès le deuxième week-end, c'était une saison particulière, il y avait 3 courses par week-end en plus en F2 et avec des gros écarts entre les courses. Donc passer de Bahreïn à Monaco, c'était pas habituel. Je me suis dit, ça va être compliqué. J'avais jamais roulé à Monaco. La F2, déjà, ça va très vite. Petite anecdote, je sors de la voie des stands en essai libre, mon tout premier tour à Monaco, et avec les pneus froids. Et là, je me dis, mais comment je vais pouvoir aller plus vite que le temps de sortir, en fait. comment ça va être possible? La voiture, ça sautait de partout. Avec les pneus froids, ça glissait, il n'y avait pas de frein. Je dis, ouf, là, la confiance était à zéro. Je me suis dit, le plus important, c'est vraiment de pas mettre la voiture dans le mur, prendre, d'y aller petit à petit. Et au final, je repense à ce moment-là et j'en rigole parce qu'à la fin du week-end, je gagne. Enfin, je fais la pole et je gagne. Et en fait, c'est juste une question de confiance, une question de prendre ses repères, y aller tranquillement, mais être sûr de soi, écouter son équipe. Ils m'ont beaucoup guidé à ce moment-là. Ils m'ont donné une voiture qui était parfaite. Oh, c'est un bon souvenir. Et c'est le week-end donc, qui te lance ensuite évidemment sur la F2 jusqu'au titre donc en 2023. Ça reste aujourd'hui encore ton titre principal, ton grand fait d'armes on va dire dans ta carrière. Est-ce que ça reste une fierté de se dire voilà, j'ai été champion de F2 face à des pilotes comme aussi de grands talents et d'avoir été fait partie de cette aventure-là? Ouais, honnêtement c'est une fierté. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent du titre de Formule 2. C'est vrai que c'était assez populaire, je pense, et il y a beaucoup de gens qui regardaient la Formule 2, et donc ça me fait plaisir. À chaque fois, on me présente, on va dire, en champion de F2 la plupart du temps. Mais non, c'est cool, honnêtement, ça m'a lancé sur 3 belles saisons de F2. Mm-hmm. Et c'est vrai que parfois, 3 saisons, ça peut paraître beaucoup, mais quand j'y repense, c'était 3 belles saisons de F2, j'en suis fier. Mm-hmm. J'ai fait 5e, 2e et 1er, donc... J'ai jamais eu une saison creuse, on va dire. Enfin, ouais, t'as toujours progressé au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. Même si la saison de cinquième, on pourrait la considérer comme une... Enfin, moi, je la considère un peu comme un moment plus bas que les autres parce que c'est mon pire résultat en championnat, dans tous les championnats auxquels j'ai participé. Donc, mais ça reste cinquième. Ça reste avec des belles victoires, avec des beaux moments. Et ça m'a lancé sur 3 belles saisons. Tu dis que tu fais 3 saisons, ça... Comme tu dis, ça peut paraître beaucoup, mais d'un côté, tu arrives très jeune aussi. Exactement. En F2. Ouais. Et surtout, tu gagnes la 3e, ou paradoxalement, tu gagnes qu'une seule course au final. Donc, est-ce ce titre-là, il t'a pas permis d'affirmer ta maturité et le fait que tu savais mieux gérer finalement un championnat? Bien sûr, totalement. Je pense qu'il m'a permis de me montrer à quel point c'est plus important d'être sérieux dans ses résultats, de savoir, en fait, d'être plus un patron en piste, quoi, qu'un jeune pilote qui sait juste aller vite et faire des erreurs de temps en temps et d'en faire trop. Et ça peut lui coûter le championnat. En 2022, ça m'est un peu arrivé où, en fait, j'étais très rapide, j'ai fait 3 victoires. Mais, bon, voilà, des erreurs, des casses moteurs, mais en fait, ensuite, la malchance peut s'enchaîner. J'ai beaucoup eu de malchance, ça c'est une certitude, mais aussi, j'en ai créé, on va dire, de la malchance, entre guillemets, en provoquant des erreurs. Et bon, ben voilà, j'ai appris de ça. Et en 2023, c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de pôles, pas beaucoup de victoires, mais j'étais tout le temps dans le top 3. Donc, et ça, c'est rare. Et c'est paradoxal, parce que est-ce que tu dirais, à froid maintenant, en analysant, que c'est plus important d'être champion à tout prix, ou bien quand même, parce que c'est un peu le but des catégories de promotion, d'avoir quelques moments phares comme ça pour se montrer quelque part des petits moments où tu brilles plus que d'habitude, quoi? Bah, je pense que le mieux, c'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Allons-y. Mais non, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir un peu les deux sur les 3 années, quoi, où j'ai eu les moments, des très beaux moments, et l'année de constance, on va dire, en 2023. Après... Je pense que c'est compliqué de savoir comment les équipes analysent les pilotes en Formule 1 et réfléchissent. Parce que, honnêtement, on peut questionner beaucoup de choix de pilotes sur les dernières années. Je ne parle pas que de moi, hein, forcément. Il y a beaucoup de pilotes qui ont montré de la vitesse, ont montré de la constance, ont montré des capacités, je pense, à conduire des F1 à très haut niveau. Ils n'ont pas été pris. Et d'autres, bon, ça peut être plus questionnable, mais... C'est le sport automobile, ça a toujours été comme ça. Et moi, j'ai pas de regrets sur ça. J'ai fait quelques erreurs, mais le plus important, c'est d'avoir tout donné. Donc, non, je suis fier. Le fil rouge de ta carrière dans les formules de promotion, pardon, c'est les records de précocité, de le plus jeune vainqueur en F3, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a ajouté de la pression ou pas du tout? Honnêtement, en fait, j'ai pas trop fait gaffe à ça parce que pour moi, c'était naturel d'arriver jeune. On m'a toujours mis, en fait, dans les catégories, toujours très jeune, que ce soit en karting, en Formule 4, ensuite F3, F2. Et en fait, j'ai dû m'habituer à rouler avec des personnes plus âgées que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience, travailler avec des adultes. Donc, ça m'a fait, bien sûr, grandir plus vite. Je pense que c'était positif. Ça va m'aider, surtout là, sur les prochaines années. Ça, c'est une certitude. Après... Forcément, il y a des moments où je me dis, en regardant ma carrière, ça aurait été mieux d'avoir un petit peu plus d'expérience et j'aurais fait des meilleurs résultats directs, mais c'est comme ça. Et quel résultat, par exemple, aurait pu, on va dire, changer ta carrière, ou quelle direction tu penses que tu aurais dû prendre avec le recul? Honnêtement, c'est une bonne question, parce que c'est pas une question que je me suis posée. c'est vrai. J'avance, en fait, j'ai avancé comme ça. Et je me suis toujours dit, bon, j'ai fait du mieux possible. J'ai eu des victoires, j'ai eu des défaites. Mais globalement, j'ai fait du mieux possible. Ça s'est bien passé. Ça s'est même très bien passé. Hein. Je suis content de la carrière jusqu'à présent. Mais je pense qu'il y a des moments, c'est sûr qu'il y a des équipes plus dominantes que d'autres dans les catégories juniors. Je pense que ça aurait pu m'aider aussi à performer plus vite. Mais ce qui est beau, c'est que j'ai une équipe qui m'a fait confiance avec Art Grand Prix. Et on s'est fait confiance mutuellement. On a grandi ensemble. Et on est allé chercher ce titre ensemble. On a amélioré au final la voiture sur ces 3 années de F2, même en F3. Tout au long de l'année, on s'est aidé. Et donc, non, on a performé ensemble. Mais c'est sûr qu'à l'époque, quand Préma en F3 dominait beaucoup, en F2, même l'année 2023, avec Berman et Vesti, ils avaient une voiture très très performante. Ça peut aider, on sait que le sport automobile c'est aussi la machine qui compte. Il faut bien avoir en tête ça, pardon, je me permets, mais c'est vrai que même dans les catégories de promotion, c'est quand même important de beaucoup développer. Il ne faut pas avoir cette image de c'est les mêmes voitures et c'est uniquement le pilotage, c'est aussi cette capacité de développer. Bien sûr, c'est hyper important, il y a des équipes qui mettent beaucoup plus de moyens aussi que d'autres sur que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes qui développent, qui essayent de chercher des réglages meilleurs. Et c'est important parce que, bon, on a tous les mêmes voitures, mais à la fin, les écarts ne sont pas énormes. Mais on parle de un dixième, deux dixièmes, ça peut faire 3-4 positions. C'est différent. Certains pilotes ont dit que la F3 pouvait mieux préparer la F1 que la Formule 2. Tu partages cet avis? Pas vraiment, honnêtement. Moi, je trouve que la F3, c'est une bonne voiture parce qu'elle est légère et rapide dans les virages rapides. Donc, on se rapproche un peu de la F1 de ce côté-là sur le fait de pas beaucoup casser sa vitesse avant des virages et avoir une bonne vitesse minimum, on va dire, dans les longs et virages rapides. Par contre, ce que j'aime bien avec la F2, c'est que c'est quand même une voiture assez compliquée à conduire. Elle pardonne pas l'erreur. On voit beaucoup de pilotes faire des grosses erreurs. J'ai pu en faire, taper des murs dans les circuits en ville et tout. C'est une voiture qui pardonne pas l'erreur. Donc, si on sait vraiment emmener une F2 à la limite et faire un beau championnat, faire des beaux résultats, je pense qu'on est capable. Enfin, pour moi, je trouve que j'ai eu l'occasion d'essayer la F1. Je vais pas dire que c'est moins compliqué, mais juste sur la sensation de grip, on est un peu plus à l'aise qu'en Formule 2. On n'est pas à la limite tout le temps pareil. C'est un peu différent. Donc honnêtement, moi, je trouve que la Formule 2 prépare assez bien. Après, bien sûr, ça dépend des équipes. Il y a beaucoup de... Il y a eu pas mal de polémiques sur le championnat, mais oui, c'est comme ça, quoi. Mais okay. Du coup, ça tombe très bien que tu commences un petit peu à évoquer la Formule 1. Je t'invite à prendre la carte suivante. Spoiler alert, peut-être, qui sait. Mais... Allez. Là aussi, normalement, c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. C'est une d'Auto Hebdo. Une. C'est pas mal. C'est beau. Pour cher sur la grille dès 2022. Alors là... Bon. Non. Bon, voilà. Alors, on peut dire non, effectivement. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, pourquoi pas. C'est mais... après ton premier test, ça, en F1. C'est ça. Comment est-ce que tu l'as vécu, ce fait de dire « ça y est, je vais tester une F1 », il y avait de l'appréhension, il y avait de l'excitation, c'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? Il y avait un peu d'appréhension, mais quand j'y repense, c'est vrai, 17 ans, j'avais 17 ans, c'est fou en fait, et là d'y repenser maintenant, je pense que c'était un truc de fou, hein. C'était un truc de fou quand Fred me l'a annoncé. Et puis, bon, j'avais, petit détail, j'avais eu le crash à Bakou où je m'étais fracturé le radius. Et j'avais fait la course de Silverstone en F2, c'était juste après la course de Silverstone, mais je me rappelle avoir fait le test encore avec le bandage au bras et tout. La chance que j'avais, c'est qu'il y avait la direction assistée. Et donc, bon, physiquement, ça allait et j'étais prêt pour le test. Mais très, très bon souvenir. Très, très bon souvenir sur le circuit de Budapest. C'était un beau cadeau d'anniversaire. C'était au mois d'août, il me semble, ou fin juillet, donc juste avant mon anniversaire. Donc, tu disais que tu avais 17 ans, justement. Tu pensais à ce moment-là que c'était trop tôt ou... Ouais, je pense. Honnêtement, en y repensant, c'était trop tôt. Et quand tu penses à Max Verstappen qui a débuté en F1 à 17 ans, à cet âge-là, tu t'imagines que c'est fou. Que ça a pu... C'est fou, honnêtement. Ce qu'il a fait, c'est fou. Après, je pense qu'il a eu une préparation différente. Moi, pour ma carrière et à cet âge-là, à ce moment-là, j'étais pas prêt. C'est une certitude. En y repensant, je voulais absolument et je pensais aller en F1 en 2022 parce que je voyais que c'était pas loin, que je faisais des bons résultats en F2, que ça parlait de moi potentiellement pour aller en F1. Donc, je me suis dit, si l'opportunité se présente, bah oui, c'est un rêve et j'y vais. Mais aujourd'hui, en y repensant, il fallait surtout pas le faire. Je pense que c'était, c'était pas le bon choix. Mais bon, ouais, c'est comme ça. C'est intéressant parce que c'est un son de cloche qui ressemble un petit peu à ce que, par exemple, pouvait dire Isaac l'année dernière, quoi, ou même l'année d'avant, typiquement. Ouais, bien sûr. Mais on le sent, en fait, en tant que pilote, si on est prêt ou pas. Là, j'avais pas du tout vécu assez de choses. Et le fait d'avoir, juste après ça, fait ma deuxième partie de F2, saison 2 F2, première saison de F2, où j'ai fait plus de podiums, des victoires, mais j'ai eu le crash à Jeddah, j'ai eu la course moyenne à Abu Dhabi, et là ça m'a fait réaliser, j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de maturité à apprendre, donc mais c'est un très bon souvenir ce test en F1, c'était une bonne expérience de travailler avec une équipe de F1 pour la première fois, avec des ingénieurs incroyables, et de se dire qu'il y a beaucoup de monde derrière soi pour une seule voiture, et qu'il faut être sérieux, mais tout s'était très bien passé, c'était un bon premier test. Ça fait quoi être en une d'un magazine à 17 ans ? Ah, c'était. Je pense que c'est mon père qui doit être content. Mes parents, ils doivent être contents, mais oui, il doit l'avoir. Hein. Vous inquiétez pas, il a... à chaque fois que je suis dans l'auto hebdo, la dernière fois, après Bahreïn, il a pris le auto hebdo, j'y étais. Donc, non, c'est... Ah bah. Parfait. C'est bon. J'espère qu'il a apprécié la lecture de l'article. Ah oui, bah, il me l'a montré. Je suis allé dans son bureau, il me l'a montré. Mon père me dit ah, t'es dans l'auto hebdo. Je sais. T'es biaisé, Valentin. Non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, mais c'est cool. Ouais. Franchement, non, c'est top. Et bon, on réalise pas vraiment quand on est jeune comme ça, à 17 ans, de se dire on est très médiatisé, mais pour moi c'était que du plus, et j'ai pas je changerai jamais, et j'ai pas changé depuis, et c'est juste cool, je vis de ma passion, j'adore ça, donc non, c'est tu vivais d'ailleurs comment, c'est intéressant parce que ce rapport aux médias, parce qu'effectivement t'arrives, on parle de toi dès que t'as 14-15 ans, c'est vraiment très jeune, et jusqu'à maintenant, comment t'as évolué avec ça, est-ce que c'était quelque chose que tu as pris tout de suite et avec lequel t'étais tout de suite à l'aise, ou honnêtement j'étais globalement tout de suite à l'aise avec les médias. Je pense que pour moi, le plus compliqué à gérer, c'était plus les réseaux sociaux, ou plutôt la vie des gens sur les réseaux sociaux, où j'étais beaucoup... Bon, après, on va dire, c'est ma génération, où je suis souvent sur les réseaux sociaux, et quand j'étais en F2, je regardais souvent les réseaux sociaux, les avis, je pense que ça m'a beaucoup impacté à certains moments, où j'ai appris de ça, à dissocier un peu la vie des gens et ce qui se passe en vrai. Mais oui, non, moi, avec les médias, j'ai toujours été à l'aise, j'ai toujours été content de parler aux médias. Je trouve que ça a toujours été quelque chose de positif, et je sais que les médias sont là pour les pilotes, on est là pour les médias aussi, on s'entraide et on fait aussi populariser le sport automobile, ça qui est important pour moi. Et c'est pour ça que tu es déjà un peu de l'autre côté de la barrière, étant de temps en temps consultant C'est ça, j'aime bien honnêtement, j'adore commenter les courses parce que j'ai eu un peu d'expérience que ce soit les courses de Formule 2 et un peu en F1 avec les essais F1, donc j'aime bien commenter, j'adore ça honnêtement, après je préfère être derrière le volant, ça c'est une certitude. Mais bon on va passer sur un moins bon souvenir, Grand Prix du Mexique 2023, tu fais une autre séance d'essai avec Alfa Romeo et ça se passe pas très bien, souci mécanique, tu roules quasiment pas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais dépité, frustration énorme. J'avais juste envie de partir du paddock, de rentrer à l'hôtel. J'étais vraiment, vraiment dépité parce que on se prépare énormément pour ces séances d'essai libre. C'est le seul moment un peu de briller dans une Formule 1 pour un jeune pilote. Et moi, je savais que c'était important parce que ça pouvait peut-être m'offrir des opportunités de me montrer. J'étais vraiment à l'aise. Je me sentais prêt à faire une bonne session. Après, ça dépend de la voiture et tout, mais c'est vraiment de montrer que j'étais vite et que je savais aussi donner des directives à l'équipe après avoir fait beaucoup de simulateurs durant l'année. Et non, juste avoir un problème comme ça, c'est dommage. C'est dommage. Et je pense que ça a pu me coûter un peu aux yeux peut-être d'autres équipes de pas pouvoir montrer à ce moment-là. Et bon, c'est un coup dans une carrière, c'est sûr que ça fait mal. J'imagine que dans la même verve, malheureusement, on n'est pas dans les meilleurs moments, mais malgré tout, tu as forcément une réaction, tu as forcément une manière de digérer l'annonce notamment de Guan Yu Zhou chez Alpha. Comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu arrives à tourner la page un moment? Est-ce que tu as besoin de t'isoler par rapport à ça? Comment tu le... Ouais, c'est honnêtement, la première fois qu'il a été annoncé chez Alfa Romeo, ça m'a plus impacté que les fois d'après. D'accord. Parce que j'étais très jeune. 17, 18 ans, bon, je devais déjà avoir 18 ans quand il a été annoncé pendant la première saison de F2, mais en fait, j'étais ébloui par le fait que en fait, je pensais vraiment à la Gala F1 et j'étais focus sur ça et je me suis dit honnêtement je fais du mieux possible, je donne tout et je vais l'avoir en fait mon rêve. Là j'étais vraiment impacté et en fait les années d'après j'étais dans des discussions avec Alfa Romeo et ils me parlaient plus on va dire, on me donnait plus de détails et j'avais pas de regrets parce que je savais que c'était pas possible que j'aille en Formule 1 à ce moment là donc quand même, là, je vais pas vous le cacher, j'avais un peu la rage quand même. Parce que bon, quand on fait des bons résultats et tout, on veut avoir au moins une chance. Au moins de se montrer en F1, ça aurait été l'idéal. Mais bon, c'est comme ça et je savais pourquoi je ne pouvais pas y aller. Et maintenant que tu es en endurance avec Peugeot, est-ce que tu penses encore un peu à la F1 ou tu es full concentré sur le projet Peugeot et les 24 heures du Mans Pour moi, je suis full concentré sur le projet Peugeot parce que en fait, je me sens vraiment considéré à 1000%. Donc, je sais qu'ils ils mettent aussi beaucoup d'espoir sur moi et que c'est top, honnêtement, en tant que pilote. Alors, ça rajoute de la pression. C'est important d'être considéré par un constructeur, mais c'est pas mal de pression. Mais j'ai hâte parce qu'en fait, j'ai découvert à quel point. Et en grandissant, c'est ça qui est bien aussi. À quel point d'autres championnats sont aussi très bien. Il n'y a pas que la Formule 1. C'est avec plus t'es jeune, en fait, plus tu penses qu'à la Formule 1. Et quand t'y arrives pas, bah, tu te dis, il y a que ça, quoi, en fait. Non, c'est faux, il n'y a pas que ça. Et j'ai eu l'occasion, je pense que, en fait, le premier championnat qui m'a ouvert les yeux pour moi, c'est l'IndyCar. IndyCar m'a vraiment ouvert les yeux et m'a dit, en fait, ah oui, c'est vraiment top, il y a autre chose que la Formule 1. Et après, j'ai eu l'occasion de faire un peu des essais en Formule 2, me dire, ah oui, la Formule 2, ça progresse, c'est de mieux en mieux, il y a un niveau de fou, c'est pas si mal. Le WEC, excellent, franchement, j'ai trouvé ça vraiment top à Bahreïn. Et puis le fait d'avoir participé aux 24 heures du Mans. Et là, je me dis, honnêtement, j'ai hâte d'être l'an prochain, de faire la saison entière. Et le niveau des pilotes, les constructeurs, le professionnalisme qu'il y a dans le championnat, bah, il est au niveau de la F1. Donc ça, c'est top. C'est un super message pour les jeunes qui passent après toi aussi, d'ouvrir son esprit tôt et de tester le plus tôt possible d'autres choses aussi. Exactement, franchement, moi, c'est le conseil que je donnerais aux jeunes pilotes. C'est vraiment de regarder le maximum d'opportunités possibles parce que mais lâchez pas enfin je veux pas envie qu'ils lâchent leur rêve d'atteindre la Formule 1 bien sûr. Moi c'est je leur souhaite à 100% le truc que je leur souhaite le plus surtout c'est d'être heureux et de réussir dans le sport automobile d'être professionnel et il y a moyen de l'être c'est ça qui est important donc il y a beaucoup de voies possibles. Faisons un tout petit scénario fictif de 30 secondes. Si une écurie de F1 de fond de grille t'appelle pour faire une pitch sur un Grand Prix, t'y vas ou pas? Comme ça, quoi. Comme ça. Je demande l'autorisation à Peugeot. Et puis s'il n'y a pas de clash avec le WEC, je fais la course et puis je retourne dans mon Peugeot. C'est très clair. C'est très clair. Ah, mais je pense que c'est sûr que la F1, c'est le. En fait, ça peut être important, je pense, pour un pilote. Déjà, c'est un rêve, mais pour le côté technique. C'est vrai que ça peut apporter beaucoup. Il y a beaucoup d'anciens pilotes de F1 qui ont fait quelques années qui sont allés en WEC. Bon, on a Kevin Magnussen ou même Mick Schumacher qui était cette année. Et je pense qu'ils ont apporté pas mal aux équipes, hein, que ce soit au niveau de la vitesse pure, parce que c'est des pilotes excellents, mais aussi au niveau du retour technique et du développement de la voiture, de l'aide de leurs coéquipiers. Donc non, c'est sûr que c'est important, mais oui. Course en F1, ça serait top. Mais tu parles de ce qu'ils peuvent apporter, mais même toi, avec les essais que tu as fait finalement en F1, tu dois pouvoir apporter un certain retour technique à Peugeot actuellement, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et sur ça, j'ai l'occasion de faire beaucoup de simulateurs F1, et donc ça m'aide énormément de travailler, d'avoir pu travailler avec de telles équipes qui sont énormes. C'est des équipes avec tellement de personnel, tellement d'ingénieurs, où en fait on est obligé de vraiment aller creuser loin en fait en tant que pilote pour ressentir des choses, aider l'équipe. Et donc après, une hypercar globalement ça va un peu moins vite, enfin ça va moins vite qu'une Formule 1 sur un tour, mais au niveau technique c'est quand même assez élevé. Donc je peux apporter aussi moi mon expertise, même si j'ai moins d'expérience que d'autres pilotes, que ce soit Loïc Duval ou Paul Di Resta, mais je suis pris en considération, c'est ça qui est bien, et mon avis compte au sein de l'équipe. On va pouvoir terminer avec la dernière carte, Théo. Allez. Bon, c'est pas la meilleure photo là, par contre, hein. Je suis concentré. Non, mais elle pointe un moment précis. Ah, bien sûr. Qui était assez inattendu, je pense. Bien sûr. Moment précis, je vais quand même la montrer, mais ça, c'est un périple dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Oui, donc cette photo. Ça, c'est moi, peut-être une heure après être sorti de l'avion. ouais, donc à Toronto, au Canada, on dit. Toronto, au Canada. En étant parti de Nice. Alors, je vais raconter l'histoire entière. On t'écoute. On est là pour tout savoir. On est dans le sud de la France. J'étais à Cannes à ce moment-là, donc pas loin de chez moi. Je suis de Grasse. Et McLaren m'a remplacé quelques semaines avant par Nolan Siegel. Et donc, moi, j'étais rentré chez moi en France. Et j'étais à Indianapolis. Début de semaine, je rentre chez moi. Je dis, j'ai plus d'intérêt à rester à Indianapolis. Je rentre chez moi. Et ce week-end-là, donc je dois rentrer le mardi, je pense, Indianapolis. Le week-end, il y a la course de Toronto. Mais bon, moi, je ne suis plus de la Green IndyCar. Je suis au restaurant à Cannes avec ma copine et je regarde l'IndyCar, ce qu'elle n'a pas apprécié parce qu'elle voulait absolument que... Oui, c'est... Oui. Mais on ne te félicite pas, Théo. Ça, c'est peut-être pas l'exemple à montrer. Voilà. Dites, elle va m'engueuler parce qu'à chaque fois qu'on est au restaurant, il y a forcément soit un match de foot, soit de la voiture sur mon téléphone. Désolé, mais je suis un fan de sport. Donc, je regarde l'IndyCar, bien sûr, et je regarde la séance de Slip 1 et je vois Alexander Rossi taper le mur. Et je vais sur Twitter, j'ai apparemment il s'est fait mal. Et j'ai ma copine, rigole, imagine, il me rappelle et tout, mais bon, c'est une blague, tu vois, on en rigole. Ils vont jamais te rappeler. Et on marche comme ça dans Cannes. Et Tony Kanaan m'appelle sur mon téléphone. J'ai bon, qu'est-ce que Tony veut? Du coup, je décroche. Et là, il me dit, Théo, je passe pas par quatre chemins. Au bout de 10 secondes d'appel, regarde les avions pour Toronto. Est-ce que t'as envie de venir? Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, oui, bah, bien sûr, absolument, je suis prêt. J'ai juste 10 heures d'avion à faire et je suis là, quoi. C'est tranquille. Et je regarde les avions, je prends même moi l'avion qui me rembourse plus tard, mais que du coup, je fais tout moi, les papiers. Ah, il a tout géré directement, en fait. J'ai tout géré, je dis, voilà, il y a un avion. En plus, j'ai de la chance qui part à 6 heures du matin de l'aéroport de Nice, une escale en Allemagne et j'arrive à Toronto. Il m'a dit, c'est parfait, tu prends ça. Et à Toronto, l'équipe de McLaren est venue me chercher, on a pris le métro pour aller au circuit, c'était plus rapide. Et là, j'arrive, je mets la combi. Ils avaient ma combi encore, mon siège, ils avaient tout avec eux. Et voilà, donc je suis monté dans la voiture, j'ai fait qualif direct. Hein. Donc ça, c'est quand même sans séance d'essai, rien du tout. Sans séance d'essai, sans connaître le circuit, sans rouler depuis 8 semaines. C'est un circuit compliqué en ville, Toronto. Circuit très compliqué, il faisait 30 degrés, circuit complexe. Et je finis qu'à 8 dixièmes de pato, il me semble, en qualif, au WAR. Donc j'étais plutôt satisfait. Pas dernier, avant-dernier en plus, j'étais. Et donc plutôt satisfait. Par contre, je me suis dit, là, ça va être dur. Physiquement, la course, 100 tours à Toronto. Et le lendemain, bah, je fais 14e. Au final, j'évite un peu tous les accidents. Et je pars 26e, il me semble, et je fais 14e. Donc bon, c'est un bon souvenir, ça. Justement, ton arrivée en IndyCar, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà des contacts avant? Parce qu'on se souvient, tu es allé en Super Formula, finalement, je crois que tu n'as fait qu'une seule course. C'est ça. Donc déjà, pourquoi tu as décidé de partir de la Super Formula? Est-ce que c'était lié à l'IndyCar, des discussions que tu avais déjà à ce moment-là? Bah, c'était un peu lié à l'IndyCar, mais surtout aussi lié au budget. C'est vrai que la Super Formula, c'est aussi au pilote un peu de trouver son budget. Moi, j'ai pas du tout eu d'aide pour rouler en Super Formula, donc un petit peu Sauber qui m'a aidé pour la première course. Et le reste, j'avais plus de budget, donc McLaren m'a appelé vraiment au bon moment. Moi, c'était l'opportunité rêvée. Je rêvais de courir en IndyCar en 2024. Vraiment, c'était. J'avais déjà contacté McLaren à l'époque pour ça. Et en fait, il n'y avait pas eu d'opportunité. Puis Maluka s'est blessé. Ils ont décidé de prendre Ilott au début. J'étais dans les discussions pour pouvoir déjà rouler à ce moment-là. Et puis, ils ont décidé de changer, de me prendre pour les deux courses de Long Beach et Barber. Puis ça s'est bien fait. On a continué. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais. C'est vrai que l'IndyCar, c'était vraiment une cool expérience. Mais Théo, d'ailleurs, Tony Kanaan disait souvent, même au moment où tu as été remplacé par Nolan Siegel, toujours cette phrase « trust the plan ». Bon, on imagine que le plan n'était pas de mettre Alexander Rossi dans un mur pour que tu reviennes faire une course, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'était le plan, ou ce plan auquel il faisait référence? C'est une bonne question, mais non, honnêtement, c'est vrai que c'est complexe, l'IndyCar, c'est aussi, il y a beaucoup de pilotes qui emmènent des sponsors, du budget pour rouler. On va dire que j'étais un peu au mauvais endroit au mauvais moment, mais globalement, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup avec l'histoire d'Alex Palou, c'est vrai que McLaren a toujours dû chercher un pilote de dernière minute, ça n'a pas été simple pour eux. Ouais. Moi, ce que je retiens de ça, c'est vrai qu'ils m'ont donné l'opportunité de me montrer. Ça a vraiment été une chouette expérience, honnêtement. J'ai découvert un championnat qui, depuis la France, enfin depuis l'Europe en général, on a du mal vraiment, je pense, à se rendre compte à quel point ce championnat peut être cool. Et vraiment, j'encourage les gens aussi à aller voir de leurs propres yeux sur place aux États-Unis. Bon, ça coûte cher, bien sûr, je suis au courant, mais c'est vraiment une expérience géniale. avec des courses de voitures qui sont folles, quoi. Vraiment folles, et des voitures qui font vraiment un bruit de moteur de fou, des arrêts au stand vraiment spectaculaires, des batailles en piste qui sont top. Et du professionnalisme, moi, que j'ai senti, mais avec un côté détente aussi entre les pilotes, entre les équipes, qui est vraiment sympa, qui est différent de l'Europe. Et non, franchement, c'est j'ai adoré. Et maintenant, tu as Simon Pagenaud, champion IndyCar, vainqueur des 500 Mediapolis, qui t'a rejoint un petit peu dans ton entourage. Est-ce que tu te dis, voilà, j'ai gagné à Monaco en F2, mais voilà, tu as gagné à Monaco, tu as fait, les 24 heures du Mans. Est-ce que tu dis, voilà, j'ai envie de faire la triple couronne et d'aller un jour à Indianapolis? Est-ce que tu as Simon qui peut aussi t'aider sur ces pistes-là? Ouais, c'est sûr que la triple couronne, ça serait, je pense, c'est le rêve ultime, enfin, le défi ultime pour chaque pilote, mais qui est hyper complexe à atteindre parce que, l'étape la plus compliquée pour moi, ce serait d'avoir l'opportunité en F1 et de gagner le Grand Prix de Monaco. Après, c'est vrai que la victoire en F2, on pourrait faire un petit passe droit si jamais je gagne le Mans. Ça peut compter, voilà. Ça pourrait compter, mais non, c'est vrai que moi, mon focus, c'est vrai que c'est à 100% sur le WEC et sur gagner le Mans. Ce serait vraiment le rêve ultime à l'heure actuelle. Par contre, oui, gagner les 500 miles d'Indianapolis un jour dans ma vie, c'est sûr que c'est sur la wish list, comme on dit. Donc honnêtement, je rêverais. J'y suis allé deux fois en spectateur et je pense pas qu'il y ait d'autres événements sur la planète sportif vraiment qui soient proches de ça, hein. Vraiment c'est vraiment un truc de fou. C'est le spectacle, la peur, mais aussi vraiment on se dit, c'est un truc de fou, le vainqueur doit se sentir, doit se sentir fou, quoi. Et en parlant à la fois de l'endurance et des États-Unis, est-ce que participer aux 24 heures de Daytona, ça t'intéresserait? Ça m'intéresserait. C'est vrai que c'est pas d'actualité, on va dire, pour la prochaine édition. On sait jamais ce qui peut se passer. Il y a beaucoup d'opportunités à Daytona avec 4 pilotes par voiture et beaucoup de catégories aussi. Mais 24 heures de Daytona, ça me fait rêver aussi. Donc il y a quelques courses qui me font rêver comme ça. Où, je dirais Le Mans, Daytona, 500 miles Indianapolis. On est sur le top 3, je pense, ultime. Pour terminer, Théo, on va te mettre un petit peu au défi, on va dire. Allez. Va mettre un petit timer de 2 minutes. Et c'est tu parti. Vas répondre au plus de questions possibles. Alors, on en a 50, autant dire que là... En 2 minutes, ça va être dur. Hein. Même moi, juste dire les 50 questions, je ne suis pas sûr d'y arriver, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Est-ce que tu es prêt, Théo? C'est parti. Le pilote le plus fort que tu as affronté? Je suis pas prêt, en fait. On va partir. Je dirais Piastri. Et allez, t'as le droit à un joker, quand même, on va être sympa. Le pilote le plus sous-coté? Le plus sous-coté, je dirais Pato Howard. Ton meilleur coéquipier dans ta carrière? Le meilleur coéquipier? Faut que je choisisse les bons. Les deux prochains que j'aurai en 2026. Ça, c'est une très très bonne réponse. Le pilote qui t'a fait rêver quand t'étais jeune? Le pilote qui m'a fait rêver... il y en a deux, Vettel et Hamilton. Ton circuit préféré? Monaco. On avoue qu'on tourne cette émission le mardi. Ton prono pour OM Newcastle ce soir? Je vais au stade. Ce soir. Ah, je vais au stade. D'où l'avion juste après. D'où l'avion. Il va falloir que tu en prennes au stade. 2-1 pour l'OM. Qui sera champion du monde de Formule 1? Lando Norris. Qui gagnera la F2? Fornaroli. Course de jour ou course de nuit? De nuit. Un grand prix en F1 dans la meilleure voiture du plateau ou 300 grands prix dans la pire? Dans la meilleure du plateau. T'as combien de points sur ton permis? 10. Ah bah c'est pas ça, mal. Ça va. Ta pire habitude au volant? Pire habitude, je vais... non, je suis parfait. On m'a dit de rien dire. Je vous le dis. C'est non, très bien. Je respecte les règles. Il faut respecter les règles. Complète la phrase. En 2026 avec Peugeot, je vais... En 2026 avec Peugeot, je vais... Allez... Vive ma première victoire en championnat du monde d'endurance. Allez, on te le souhaite en tout cas. Si possible, aux 24 heures du Mans. Celle-là, elle serait magnifique. Est-ce que tu as une superstition avant un départ de course? J'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de routines. Je suis quelqu'un d'assez superstitieux. À voiture égale, est-ce que tu bats Oscar Piastri? Ça va faire parler si je dis quelque chose. Je suis pilote et je... Oui, mais bon, il est fort, il est très fort. Il m'a battu, d'ailleurs. C'est bien, il n'utilise pas son joker, en plus, Théo, c'est pas mal du tout. C'est beau, entre nous, t'en as voulu à McLaren de ce qui s'est passé ou... Forcément, en tant que pilote, on en veut parce que c'est dur, hein, ça a été un moment compliqué, mais je l'en veux... Enfin, je les remercie de m'avoir donné l'opportunité d'un côté aussi. Donc. S'il y avait une règle que tu supprimerais en Formule 1, ce serait laquelle? Une règle que je supprimerais... c'est dur. Honnêtement, c'est dur. complexe. Hein. Il y en a tellement, en fait. J'allais dire, il y a un joker en stock, mais... Je dirais la VSC, moi, si ça peut t'aider. c'est vrai, je suis d'accord. Plus de Roland Safety Car, voilà, hein. C'est plus drôle. Merci, Val. Merci. Et enfin, gagner Le Mans ou gagner le championnat WEC? Gagner Le Mans. Magnifique. Merci Théo. Super, merci beaucoup. Et on va même instaurer une tradition, parce que c'est important, la tradition en sport auto. On a ici un petit casque qui est pour l'instant blanc. Allez. Mais si tu pouvais y mettre une petite signature, bien et sûr. Ce sera le casque que vous pourrez suivre et vous pourrez voir, le voir se remplir au fur et à mesure qu'on va avoir des invités. Avec plaisir. Hop, je vais passer ça, Théo. C'est parti. Merci beaucoup. Où tu veux, t'as le choix du roi. Ah ouais, c'est bien, voilà. Tu peux te placer où tu veux, là, il n'y a aucun problème. Bon, allez, tu peux la faire aussi grosse que tu veux, si tu veux pas laisser la place aux autres. On est bon. Magnifique, merci beaucoup. Merci Théo. Voilà. Merci d'avoir été là, Théo. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était vraiment chouette, merci beaucoup. Et puis écoute, on te souhaite tout le meilleur pour cette saison de WEC avec Peugeot. Merci beaucoup. Et bon match ce soir. Ne vous inquiétez pas.